L'homme s'est approché à trois pas du ruisseau, le regard attristé, a déposé son seau. L'oiseau s'est arrêté à l'ombre des roseaux. Petit piaf assoiffé, venez chercher de l'eau. Notre maison est belle, écoute sa chanson. Regarde l'arc-en-ciel posé sur l'horizon pour peindre ce pastel. Libère les papillons. La libellule bleue a tourné les talons et en signe d'adieu a fait un tourbillon. La rivière chanteuse est devenue sentier. Ses courbes capricieuses, des remous pétrifiés. Notre maison est belle, écoute sa chanson. Regarde l'arc-en-ciel posé sur l'horizon pour peindre ce pastel. Libère les papillons. La montagne a perdu son bracelet d'argent. Le monde a entendu le chagrin des enfants. Notre maison est belle, écoute sa chanson. Regarde l'arc-en-ciel posé sur l'horizon pour peindre ce pastel. Libère les papillons.